L'offrande, conte de Noël, par Brada. Personne ne sait au juste l'époque à laquelle cette histoire s'est passée, ni exactement le pays où elle est arrivée, mais elle n'en est pas moins véridique et je prie le gentil lecteur de l'accepter pour telle. En tout cas, voilà bien longtemps qu'est advenu ce que je vais vous conter, car il est très certain qu'à mesure que les communications se font plus faciles d'un bout de la terre à l'autre, elles deviennent infiniment plus rares avec le ciel, au contraire de ce qui se passait autrefois. Donc, le bel autrefois, que chacun le place à l'époque qui lui plaît, se voyait sur le flanc d'une falaise une église au clocher ajouré comme une dentelle, d'où échappaient des carillons joyeux et doux. À l'intérieur, reluisaient des vitraux couleur d'arc-en-ciel, et les longues nefs voûtées et mystérieuses, serrées contre les colonnes de pierre droite comme des tiges de lys, semblaient mener en paradis. Mais ce qui distinguait cette église de cent autres, était son image miraculeuse. On l'appelait Notre-Dame de l'Offrande, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut d'abord que je vous apprenne que cette église, posée sur la hauteur comme un grand oiseau, n'était accessible que par un escalier à marche raide, qui avait été taillé dans le roc. Lorsqu'avec peine on avait gravi les marches, on débouchait sous une voûte très vaste, sur laquelle s'ouvrait directement le portail de l'église. Cette voûte servait de parvis, avec la seule différence qu'on y était à l'abri et bien à l'aise pour admirer le portail. Ce portail était une merveille, enguirlandé de fleurs et de fruits merveilleux, si légers qu'à peine pouvait-on croire qu'une main les eût découpés dans la pierre. Au milieu de ces fleurs et de ces fruits, quelques figures angéliques et délicieuses surgissaient, mais ce qu'il y avait de plus beau était, placé juste au centre et surmontant le porche, une image de Notre-Dame, si touchante, si douce à contempler, que sa seule vue faisait fondre le cœur des impies comme cire au feu. Notre-Dame y paraissait toute jeune, toute rayonnante, d'une joie immense. Sur son bras gauche, elle portait triomphalement son cher petit Jésus, qui regardait tendrement sa douce mère et l'accolait à la façon du plus humble des enfants. Cette sainte image était vénérée dans toute la contrée et même dans des pays très lointains, où s'était répandue l'histoire du miracle qu'elle accomplissait. Une fois tous les 100 ans, jamais plus, et encore, le miracle n'était-il pas certain? Il fallait le mériter. S'il avait lieu, la contrée demeurait pendant 100 nouvelles années à l'abri des guerres et de la famine, et en général de tous les fléaux. Mais si par malheur le miracle venait à manquer, on pouvait s'attendre aux pires tribulations. Or, à l'époque dont je vous entretiens, l'année du centenaire heureux était revenue, et depuis des mois et des mois, nobles et manants, riches et pauvres, prêtres et séculiers vivaient dans l'attente de la nuit de Noël. Le peuple des fidèles avait été convié à venir en masse implorer le miracle qui devait les consoler tous. Il s'agissait de disposer une offrande aux pieds de Notre-Dame, et pour récompenser celle qui lui serait vraiment agréable, l'enfant Jésus, se détachant du cou de sa mère, tendrait ses petits bras en signe d'acceptation. Des vieux juraient que leur père avait vu cette chose inouïe et au seul souvenir pleuraient d'attendrissement. Aussi, quand enfin les cloches, tendres et pressantes, chantèrent gaiement la venue du jour béni de Noël, de grandes troupes, sorties des châteaux, des moustiers et des villages, se mirent en marche pour arriver avant l'heure de minuit à Notre-Dame de l'Offrande. Cette nuit-là, à bien des lieux à la ronde, il faisait clair sur les chemins, car partout, dans le creux des vallons et sur la crête des falaises, brillaient des centaines de torches dont le reflet faisait pâlir la lumière des étoiles. La longue procession avançait au bruit des cantiques que chantaient de jeunes clercs. En tête marchaient des chevaliers jeunes et vieux, bien armés, avec des plumes à leurs cimiers. Ils caracolaient fièrement, tout glorieux déjà de leurs offrandes. Celui-là, qui avait guerroyé en terre sainte, destinait à Notre-Dame une épée qui avait aussi nombre d'infidèles. Cet autre lui avait réservé l'hommage de bannière levée aux ennemis de la foi. D'autres encore, que l'âge appesantissait, avaient inscrit sur des parchemins dûment munis de leurs sceaux de belles promesses. Assurant libéral aumône ou église neuve ou don de terre et de serre à Notre-Dame. Ces promesses étaient placées dans de beaux coffrets tout sertis d'or que portaient des écuyers et des pages. Et certes, nul n'aurait songé à y manquer. Les nobles épouses des seigneurs suivaient à cheval ou dans de grands chariots que traînaient des bœufs. Beaucoup d'entre elles apportaient en don leurs plus magnifiques joyaux, quelques-unes de somptueuses étoffes ou des tapisseries qu'elles avaient ouvrées avec leurs suivantes et qui étaient destinées à embellir le cœur de l'église. De riches marchands, montés sur des mules dociles, était suivi de serviteurs chargés d'épices venues de loin et de parfums rares et exquis, pareils à ceux que répandirent les rois mages dans les tables de Bethléem. Des artisans de tous métiers cheminaient, chacun avec une œuvre de choix précieusement dissimulée, jusqu'au moment où, satisfait et heureux, ils la poseraient sur la dalle du parvis. Puis, enfin, se pressait la foule des humbles petites gens, nantis de leur modeste offrande, froment le plus pur, fruit de la saison, lait des bâches. De pauvres bergers tenaient une brebis chargée sur leurs épaules. Ceux qui ne possédaient pas mieux avaient des poules ou des colombes. Les femmes, le front serré sous leur coiffe, couvertes de leur mante des jours de fête, portaient du lin bien filé ou des dentelles au fin réseau, labeur des heures d'hivernage. Quelques-unes, dans la foule, menaient orgueilleusement de beaux enfants qu'elles allaient offrir à Notre-Dame pour lui être serviteur ou servante leur vie durant. Et sur tout le chemin, c'était une rumeur joyeuse, car à donner, chacun se sentait riche, et chacun, en sa faveur, espérait le miracle. Les vitraux de l'église étincellent dans la nuit. Les fidèles ont commencé à en rempresser l'ascension du dur escalier qu'éclaire de hautes torches. L'air dévot et humble, chevaliers et nobles dames ont mis pied à terre. Des frères laids de l'abbaye voisine, empressés et doux, empêchent qu'on ne s'écrase et règle l'entrée des fidèles sous la voûte, où la foule frémissante s'entasse, répétant les chants qui arrivent de l'intérieur de l'église par le portail grand ouvert. Dans la clarté étincelante des cierges qui l'environnent, rayonne Notre-Dame, son divin fils, dans les bras. Le lent défilé se déroule et dure, dure. Les épées, les étendards, les joyaux s'entassent sur les dalles, mais Notre-Dame et son fils demeurent impassibles. Après chaque offrande, il se fait une pause, pendant laquelle le peuple anxieux attend. De nouveaux dons s'accumulent. Quand il y en a trop, on les enlève pour faire place à d'autres. Des femmes au cœur débordant de foi se sont agenouillées, ont détaché les chaînes d'or qui leur entouraient le cou, vidé leur escarcelle de ses perles les plus précieuses. Le miracle ne vient pas. Les bêtes innocentes, les prémices de la terre ont été offertes en vain. Toute cette abondance se répandra sur les pauvres, mais le signe d'acceptation est refusé. Cependant, dans l'église, paré comme une épouse, le clergé l'implore et le peuple, d'un cœur ardent, lui répond. De proche en proche, avec une angoisse croissante à mesure que les heures s'écoulent, court le bruit désolant que sans doute le miracle n'aura pas lieu. Cependant, les litanies continuent, pressantes, adjurant Notre-Dame d'avoir pitié de son peuple. À la lumière des torches que le vent agite, l'image semble de plus en plus vivante, et tout à l'heure, plusieurs ont cru voir l'enfant Jésus se pencher vers sa mère. Voici cependant que les cœurs se sentent là. Mais tout à coup, venant de l'obscurité du dehors, une pauvresse solitaire paraît sous la voûte. Les regards se tournent vers elle. Qu'apporte cette femme pour arriver si tard? La tête humblement baissée, elle s'avance et, parvenue en face de l'image sacrée, s'agenouille. On s'étouffe pour apercevoir son offrande. Cependant, ses mains ne s'ouvrent pas. Mais soudain, elle se penche et de grosses larmes tombent de ses yeux sur la dalle. Alors, à la surprise et au ravissement du pauvre peuple, on vit l'enfant Jésus se mouvoir et ses deux bras divins se tendirent avec tendresse vers la créature qui, en une unique offrande, lui apportait ses larmes, c'est-à-dire son cœur. Depuis, le miracle n'a plus eu lieu. Ainsi s'achève l'offrande par Bradat.